L'envoûtement psychologique de l'homme dépasse les limites de l'imaginable, car il n'est possible à la conscience humaine de le comprendre que lorsque cette dernière a atteint les limites de l'imaginable. Il faut comprendre l'imaginable comme le gouffre qui existe entre le réel et le conceptuel, ou le psychologique subjectif. L'envoûtement psychologique de l'homme est à la base de sa conscience personnelle et sert de motif à l'exécution d'une tyrannie qui découle de l'accumulation infinie de la mémoire raciale de l'humanité, présente et passée. Il tire sa force, sa puissance, du phénomène de la mort qui existe en tant que mémoire et expérience éventuelle chez l'homme planétaire, qui n'a pas dépassé les limites de la conscience raciale pour entrer dans la conscience pure de l'énergie. Si nous employons le terme d'envoûtement psychologique pour décrire le fossé qui existe entre la conscience réelle et future de l'homme et sa conscience planétaire, c'est pour faciliter la compréhension des mécanismes qui créent dans l'homme la confusion dans son esprit et qui empêche son esprit de pouvoir contrôler totalement la destinée de l'ego, donc de le diriger hors de la périphérie de sa psychologie personnelle, qui est l'empreinte créée sur sa conscience par les forces vibratoires de l'envoûtement psychologique et planétaire. L'être humain, qu'il soit terrestre ou autre, représente le plus haut modèle créé de conscience absolue qui existe dans le temps, mais non pas dans l'espace. Et tant que cet être n'a pas compris l'absolu de sa conscience, il ne peut être conscient de l'énergie de sa conscience. Donc, il ne peut être conscient de la dimension de son intelligence, car l'envoûtement psychologique le retient et le confine à l'expression de lui-même, qui n'est en fait que l'expression de son impuissance caractéristique, c'est-à-dire de l'impuissance de sa volonté et de son intelligence, contre le pouvoir psychologique de son ego, contre son ego. Il est entendu que, pour que l'homme ou l'ego transpose l'énergie de la conscience en action consciente, il faut qu'il en arrive à se désengager de l'envoûtement psychologique, qui naît d'une incapacité foncière chez l'homme de reconnaître et de pouvoir, dans un même temps, vivre à la limite de lui-même, limite dictée par l'énergie et non par sa psychologie personnelle et subjective. Si l'homme comprenait la nature même de l'énergie en lui, il pourrait construire graduellement l'escalier qui le mène où il veut, au lieu de monter l'escalier qui le mène quelque part dans l'expérience. Mais l'envoûtement psychologique n'est réalisé chez l'homme que dans la mesure où il s'aperçoit qu'il ne peut faire ce qu'il veut dans la vie. Et cette réalisation est celle qui lui donne l'impression d'impuissance et l'amène à vivre sans puissance créative. À la limite de l'envoûtement psychologique, l'ego sent le combat entre lui-même et quelque chose d'autre, plus fort et plus grand que lui-même. Mais attention, ceci n'est qu'une illusion qui crée l'envoûtement psychologique et le démunit de sa force créative. L'ego, au cours de l'évolution, devra être suffisamment libre de l'envoûtement et à la fois suffisamment conscient pour comprendre que le processus de vie qui couvre sous les braises de l'expérience n'est que lui-même en tant qu'esprit incarné, enveloppé d'un champ de force, le double, qui doit être utilisé à 100% un jour pour que l'homme puisse connaître la vie parfaite. Mais ici, le voile devient encore opaque devant la vision de l'homme. Car l'unification des différentes couches d'énergie qui constituent l'homme expérimental, l'homme planétaire, n'est pas totale. Donc l'ego a l'impression d'être sous-tendu à une force intérieure quelconque, plus forte que lui, lorsqu'en fait, la force de cette énergie n'est proportionnelle qu'à l'inhabilité de l'ego de l'utiliser. S'il pouvait l'utiliser, elle serait instantanément créative, donc instantanément gratifiante pour lui, et il n'en sentirait plus la domination. L'envoûtement psychologique est un mode très vaste et très développé d'autogestion qui semble relever de soi dans le cas de l'inconscience totale ou d'une force plus grande que soi là où la conscience est en voie de développement, mais non encore arrivée à terme. Donc, l'homme inconscient de l'envoûtement psychologique vit selon un mode de vie qui semble lui être adapté. Et l'homme qui se conscientise à l'autre bout du spectrum, la vie comme étant une force, une grande force intérieure en lui, qui lui impose une certaine ligne d'action ou de mouvement, alors que l'homme total l'aperçoit comme la différence entre ce qu'il a de besoin et ce qu'il veut. Mais qui ou quoi détermine ce que l'homme a de besoin ou ce que l'homme veut? La réponse est simple. L'énergie en lui qui n'est plus envoûtée, c'est-à-dire l'énergie en lui qui est canalisée parfaitement pour le bien-être psychologique de la conscience vibratoire, réalisée à travers un psychisme et une matière qui doit être totalement harmonisée afin de pouvoir être totalement unifiée par et dans cette énergie qui se situe infiniment en dehors de la muraille de l'ego. L'envoûtement psychologique de l'ego est tellement puissant que l'organisation de la vie de l'homme ne peut se faire selon l'énergie créative en lui, mais se fait selon une loi de moindre résistance créée par l'ego afin de ne pas souffrir du gouffre qui existe entre lui et sa conscience totale ou vibratoire. L'ego ne peut comprendre le pourquoi de l'activité vibratoire de l'énergie, car il ne peut s'ouvrir à elle totalement à cause de l'envoûtement auquel il est assujetti. De sorte que, quel que soit son rapport, ou plutôt son effort d'introspection, l'avenir lui est caché dans ses détails, et cette situation le fait souffrir, car il ne peut se servir d'un des grands outils de l'envoûtement psychologique imposé à l'homme pour le maintenir dans un certain équilibre émotif et mental, c'est-à-dire l'espoir. Lorsque l'homme ne peut plus se servir de cet outil, car l'énergie trop puissante bloque les mécanismes de l'envoûtement psychologique, il se sent envoûté encore plus, car l'énergie envoûte d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle n'accorde plus à l'ego d'illusion, car son expérience lui a révélé que les événements se charge de rétablir éventuellement l'ordre dans sa vie, et que lui ne peut que s'en rendre compte sans pouvoir par lui-même les affecter ou les construire. Mais le nouvel envoûtement de l'énergie devient avec le temps la trame de l'intelligence créative, et l'ego s'habitue à vivre selon les lois de la vie telles que dictées cosmiquement par l'énergie elle-même. Donc, l'ego est passé de l'envoûtement psychologique séculaire à l'envoûtement temporaire de l'énergie pour déboucher finalement sur l'intelligence créative qui naît du déblocage final de la deuxième phase des forces de vie imposées à l'ego, ce qui le mène à la fusion avec l'énergie créative, synthétisée par le double et rendue parfaitement à l'ego pour son utilisation matérielle et psychique. L'envoûtement de l'énergie et l'envoûtement psychologique sont très différents l'un de l'autre. Dans le premier cas, l'ego a peur, dans le deuxième, il est ignorant. La peur est naturelle, l'ignorance artificielle. La peur est le produit de l'imperfection des corps subtils, l'ignorance est le produit de l'imposition sur l'ego d'un voile psychologique qui convient à sa personnalité et le maintient très longtemps sous l'emprise de forces dont il ne connaît ou ne comprend même pas l'existence, car elles font partie de la structure réflexive dont il se sert pour penser et vivre ses émotions. L'envoûtement psychologique est dangereux pour l'homme à longue échéance, car il ne lui permet plus de dépasser les limites de sa conscience inférieure, alors que l'envoûtement de l'énergie est la force même qui aspire l'homme à l'extérieur des limites psychologiques de sa conscience et le projette dans le vide de l'intelligence créative, où il réalise parfaitement la grande perfection des forces de vie qui travaillent à travers l'ego pour la descente sur le plan matériel d'une conscience supérieure et supramentale. Tant que l'homme n'a pas égalisé en lui l'envoûtement de l'énergie contre l'envoûtement psychologique, il lui est impossible de réaliser et de vivre de l'intelligence créative, car cette dernière est au-delà de la matière mentale psychologique de l'homme, donc elle ne peut pas nuire à l'homme, c'est-à-dire à l'évolution de l'homme, ou à la société future de l'homme. C'est pourquoi l'envoûtement de l'énergie de la conscience humaine est la plus grande souffrance de l'ego, non pas parce qu'elle est réellement difficile à supporter, mais parce que l'ego n'est pas réel, donc la trouve difficile à supporter. Et pourquoi n'est-il pas réel, l'ego? À cause de l'envoûtement psychologique qui le suit dans toutes ses pensées et toutes ses émotions. L'envoûtement psychologique chez l'homme correspond à la ligne de force qui lie l'ego à la matière, alors que l'envoûtement de l'énergie chez l'homme correspond à la ligne de force qui le tire hors de la matière anciennement valorisée par l'ego pour l'amener à comprendre son rôle créatif vis-à-vis la matière afin qu'il cesse d'en être esclave. Quand je dis la matière, je parle aussi de la forme. Par exemple, lorsque l'homme est psychologiquement envoûté, la matière devient suprême et le travail un joug dans sa vie. Lorsque l'homme connaît l'envoûtement de l'énergie, il souffre de la matière, car il ne peut la posséder comme auparavant, de sorte que le travail devient plus difficile pour lui, car il ne peut s'accorder avec les conditions psychologiques du travail créées par l'homme inconscient ou vécues par l'homme inconscient. Lorsqu'il a dépassé l'envoûtement de l'énergie, une nouvelle forme de travail surgit de l'esprit, travail qui convient parfaitement à l'homme, car il en est maintenant libre, c'est-à-dire qu'il le fait, car ce travail est vibratoirement ajusté à la conscience nouvelle et grandissante de l'ego. À partir de ce temps dans la vie de l'homme, il ne travaille plus, il crée ou travaille à son aise. Son travail est créatif, lui convient, dans le sens réel du terme. Donc, pour que le travail de l'homme soit créatif, ce dernier doit avoir dépassé l'envoûtement de l'énergie et ne plus être prisonnier de l'envoûtement psychologique qui fait du travail un joug. L'envoûtement psychologique de l'humanité correspond à une manière de voir la vie, d'une façon totalement différenciée, c'est-à-dire d'une façon totalement décousue de la réalité de la conscience qui naît de l'abolition de la psychologie envoûtée. Cette situation crée le mode de civilisation que nous connaissons. Tant que l'homme n'aura pas dépassé l'envoûtement psychologique, il ne pourra réaliser d'autres formes de civilisation ou de vie sociétale, car la société et son arrangement sera toujours trop contraignante pour lui. Il ne pourra concevoir d'autres façons de vivre, car l'envoûtement sera trop fort, trop profond, pour que l'ego ose s'imaginer possible de vivre autrement. D'ailleurs, c'est justement ce qui crée la linéarité historique. Pour que l'homme brise cette linéarité, il doit un jour subir l'envoûtement de l'énergie qui détruit l'envoûtement psychologique et le propulse dans une nouvelle courbe d'évolution au prix de l'abolition totale de ses inquiétudes psychologiques. Ceci n'est pas facile car l'abolition de l'inquiétude ne peut naître que de la compression de l'énergie contre la mémoire, et ce travail naît de l'énergie qui est spiritualisée par le double, c'est-à-dire rendue harmonieuse avec la vie matérielle. Mais le double, c'est l'enveloppe où se transpose dans l'homme l'énergie. Ceci veut dire qu'elle se différencie dans le double pour être ensuite absorbée par les corps subtils de l'homme, d'où la souffrance qui témoigne du travail fait contre l'envoûtement psychologique. L'ego veut la vie, mais ne veut pas vivre le passage qui mène à elle. C'est normal, puisqu'aucun ego ne désire souffrir. Et s'il y a ego désirant souffrir, c'est qu'il n'a pas assez souffert pour la refuser. Ceci aussi fait partie de l'envoûtement psychologique. Il faut avoir souffert pour chercher à ne plus la connaître, cette souffrance. Lorsque l'envoûtement de l'énergie s'exerce, la souffrance apparaît pour faire disparaître l'envoûtement psychologique et de là naît la conscience créative, c'est-à-dire le pouvoir créatif à une échelle ou à une autre. L'envoûtement de la psychologie est totalement ancré dans la conscience de l'homme que seule la fusion peut éliminer, c'est-à-dire rendre consciente. Il faut reconnaître que l'ego n'est pas le produit de l'intelligence créative, mais le produit de l'organisation énergétique des principes inférieurs de l'homme. Donc, il lui est absolument impossible de prendre connaissance de l'intelligence créative en lui, car l'envoûtement le prédispose à vivre selon l'organisation systématique de ses sens et de leurs influences sur son comportement intérieur. De là, l'envoûtement et le pouvoir de distorsion qu'il possède contre la réalité. Lorsque l'ego commence à prendre conscience de lui-même, l'énergie créative en lui commence à se faire sentir, c'est-à-dire cette énergie qui n'est pas contrôlable à partir des plans inférieurs, tant que la totalité de la conscience de ces plans n'a pas été élevée en vibration, pour donner à l'ego le pouvoir d'utiliser cette énergie selon l'ordre naturel de ces plans. C'est à partir de ce temps, dans la vie de l'homme, que l'énergie non polarisée et la conscience inférieure forme une unité de plus en plus grande jusqu'à ce que l'ego ou l'homme puisse la contrôler à volonté ou être lui-même cosmique. L'envoûtement de l'énergie qui prend place lorsque l'ego a pris conscience détruit petit à petit l'envoûtement psychologique et ce travail coïncide avec la manifestation dans la matière d'un principe de vie supérieur qui sera manifeste en temps et lieu. Mais l'homme doit transmuter, changer de vibration. Et c'est l'envoûtement psychologique réduit de plus en plus par l'envoûtement de l'énergie qui produit cette mutation. L'envoûtement psychologique ne peut se définir qu'en fonction de la réalisation de plus en plus grande d'un changement d'intelligence chez l'homme. Et ce changement d'intelligence n'est pas toujours, dans ses débuts, suffisamment développé pour apparaître intelligent. C'est pourquoi beaucoup parmi ceux qui passeront de l'envoûtement psychologique qui est socialement acceptable à l'envoûtement de l'énergie qui est socialement inacceptable ne pourront sembler ou apparaître intelligents au monde extérieur tant que l'équilibre ne sera pas réétabli en eux à une nouvelle échelle. De là, les conflits entre la cinquième sous-race et la sixième race racine. Mais nul ne peut rien contre cette situation, car tout dans l'homme nouveau doit être éprouvé, afin de le rendre à lui-même tel qu'il doit être rendu. L'envoûtement psychologique caractérise tout ce qui est connu et acceptable, ou acceptable de l'homme dans le cadre de sa culture, de sa race, de sa civilisation. Il est fait de tout le matériel dont l'homme vit sur le plan de la matière. De ce matériel, il y en a qui est bon et d'autre qui est anti-homme, anti-esprit. L'ego conscient doit apprendre à reconnaître les deux catégories de matériel et à se servir de celui qui est bon afin de se libérer du pouvoir d'envoûtement psychologique contenu dans le matériel sanitaire. Puisque l'homme est destiné à voir plus loin dans le temps et l'espace, et donc à comprendre les mystères de l'évolution, il est nécessaire de pouvoir reconnaître ce qui l'envoûte dans la vie. Cette première reconnaissance l'habitue à pouvoir vivre sans le pouvoir excessif sur lui de cette matière. Évidemment, ceci est une épreuve, car ce dont il était auparavant construit ne lui sert plus, ou de moins en moins, et il voit graduellement son être ancien se désintégrer sous la présence de l'envoûtement de l'énergie qui commence à se canaliser en lui. L'envoûtement de l'énergie est un phénomène particulier qui nous instruit de la nature même de notre inquiétude permanente, de cette inquiétude qui semble toujours se montrer la tête, comme s'il était absolument impossible à l'homme de vivre sans inquiétude aucune. Et ce n'est que l'immersion dans l'énergie que nous sentons lorsqu'elle est très forte en équivalence qui nous permet de détruire à tout jamais le pouvoir d'envoûtement psychologique qui construit avec de fausses matières nos vies planétaires. L'envoûtement psychologique chez l'homme est proportionnel à son ignorance de fond, c'est-à-dire au pouvoir que possède la mémoire d'âme sur l'ego. Plus ce pouvoir est grand, plus l'envoûtement sera grand, car la fonction de l'âme, de la mémoire, est de créer de plus en plus d'expériences planétaires possibles pour l'évolution systémique de la race humaine, alors que l'homme, un jour, doit, de par ses propres moyens, à travers la fusion, transgresser les lois de la mémoire pour construire une nouvelle race qui ne détiendra de mémoire que celle de l'énergie ou de l'esprit. Mais l'esprit et l'ego ne se fondent que lorsque l'envoûtement psychologique a été annihilé par l'envoûtement équivalent de l'énergie, qui représente la descente de l'esprit sur les plans inférieurs de la matière. Envoûtement veut dire domination. Pendant l'évolution, la domination de l'ego était permanente et faisait partie de sa conscience expérimentale. À partir de l'évolution, la domination de l'ego par l'énergie dure tant que l'ancienne domination n'a pas été éteinte, ce qui le mène à la fusion. Si l'ego ne connaissait pas le pouvoir envoûtant de l'énergie, il ne comprendrait pas son état nouveau, car il ne pourrait réaliser la différence entre l'énergie et la mémoire ou l'astral. Il ne pourrait connaître l'intelligence et la volonté qui résultent de cette manifestation. L'envoûtement de l'énergie est le point culminant de la transformation de l'homme. Il appert à ceux qui ont la compréhension profonde que l'envoûtement de l'énergie apportera sur la Terre, dans les années à venir, un pouvoir humain supérieur à celui que connaissaient ou que connaissent d'autres planètes. Car l'avantage de l'homme terrestre sur les autres espaces en évolution découle de sa descente vers la matière, alors que ces derniers viennent de la matière. Autrement dit, l'homme terrestre est le seul qui ne soit pas le produit d'une forme quelconque de déterminisme biologique, tel que les animaux et les formes inférieures à ce règne. Autrement dit, l'homme ne vient pas de la terre. Il est descendu sur la terre et doit retourner à sa source. Ceci est un des grands mystères de l'homme qui ne sera clarifié que lorsque la science aura compris que le code génétique humain est un code créé par des intelligences qui voulaient que l'homme, au cours de l'évolution, expérimente la conscience avant de la comprendre. Voilà pourquoi l'homme connaît jusqu'à aujourd'hui l'envoûtement psychologique qui lui fait vivre sa conscience expérimentalement sans la comprendre. Si l'homme comprenait sa conscience, il serait créatif et parfaitement heureux, car il n'aurait pas à craindre d'aucune façon le retour à la mort. Mais les hommes n'ont pas tous le pouvoir de transgresser les lois de la mémoire. Voilà pourquoi la récupération sera un long processus qui commence avec la formation de la sixième race racine. Il y a beaucoup à dire en ce qui concerne l'envoûtement psychologique de l'homme, car l'écart entre la réalité humaine de l'avenir et la vie humaine d'aujourd'hui représente toute une gamme de discours qui proviennent de ces sphères d'énergie qui n'ont rien à cacher à l'homme, puisqu'elles sont créatives et originellement responsables de l'imperfection implantée dans sa conscience par la voie de la pensée, qui demeurait le seul lien entre l'homme et ses mondes d'origine, afin de lui permettre d'évoluer selon un ordre qui convenait parfaitement avec un ordre supérieur à sa matière. S'il avait été donné à l'homme de connaître ses origines, il n'aurait pu vivre sur la terre, et la lumière ou l'esprit n'aurait pu pénétrer la matière consciente de l'homme. En demeurant à l'ombre, dans l'astral de sa conscience, l'âme ou la mémoire s'occupait de lui pour fournir le matériel nécessaire à sa survie psychologique pendant des millénaires. Au fur et à mesure qu'elle acquérait de l'expérience, l'humanité progressait sans pour cela évoluer. La progression permit la création de civilisations de plus en plus complexes, jusqu'à ce que l'homme fût prêt à remonter le courant de son expérience, de sa mémoire, afin de brûler ce qui l'avait envoûté psychologiquement, pour que se libère l'être cosmique en lui, autrement dit, le résultat de la fusion, qui fera vivre l'être humain au même taux que la lumière qui au début lui donna forme. Cette condition sera l'achèvement des puissances de domination et l'avènement de la puissance créative de l'homme, du surhomme de la sixième race. Mais tout ceci se fera sans fanfare, car les hommes ne peuvent comprendre ce qui leur est voilé à cause de l'envoûtement psychologique. Ce qui est pénible pour l'homme, c'est qu'il lui est difficile de reconnaître la différence entre le malfaiteur et l'homme de bien, car sa vision intérieure est encore bloquée. Mais le surhomme verra, et ce qu'il verra sera la mesure de ce qu'il voudra connaître ou repousser. Donc, l'envoûtement psychologique entre les hommes conscients ne sera plus possible, et ceci créera un noyautage parmi les hommes qui, à un certain stage, disparaîtront de la circulation, car ceux-là qui seront de ce noyau auront des choses à faire que l'homme inconscient ne peut comprendre. Donc, qu'il ne peut connaître. Sinon, il crée la fabulation, car il est encore envoûté, et tout ce qu'il ne comprend pas le fascine, un peu comme l'enfant. L'homme doit s'instruire de tout ce qui l'envoûte, afin de pouvoir réaliser vibratoirement que la nature de son intelligence est infinie. Tant que l'homme n'aura pas réalisé l'infinité de son intelligence, il y aura un voile sur sa conscience, et il ne pourra concentrer son énergie en fonction de lui-même. Il la diffusera sans cesse en fonction d'autres hommes ou d'autres conditions qui sont loin de lui, loin de sa science, loin de son taux vibratoire. Ce n'est pas parce que l'homme est intelligent dans ses habitudes qu'il faut le considérer comme tel, car l'intelligence de l'homme fait partie de son envoûtement. Donc, quel que soit le produit de cette intelligence, de cet intellect sur le plan matériel, il est toujours dirigé contre l'homme, car il ne naît pas de lui, mais des forces en lui qui l'ont lié à la matière par le truchement de l'envoûtement psychologique, de l'ego. Mais comme l'homme cosmique vit sur le plan matériel, il est nécessaire qu'un certain temps soit alloué pour qu'il cesse de voir seulement le matériel planétaire avant de pouvoir discerner le monde qui sous-tend la matière auquel sont habitués ses sens. L'envoûtement psychologique de l'homme coïncide avec ses sens, et ses sens colorent ses pensées, et ses pensées engendrent ses émotions, et le cercle est parfait. Vicieusement parfait. De sorte que l'homme de la sixième évolution doit subir le choc vibratoire de l'envoûtement de l'énergie pour sortir de la valeur des sens et connaître les valeurs de son esprit, les valeurs du monde mental où il doit retourner. Si l'homme connaissait la lumière ou l'éther sans préparation, il ne pourrait y vivre, car l'absence totale de mémoire astrale dans ce monde ne pourrait lui offrir le support psychologique que lui donne l'envoûtement psychologique. Il serait perdu et terrifié. L'homme doit en arriver à vivre au niveau vibratoire et ne pas vivre inconsciemment au niveau des sens seulement, car une telle vie le force à se lier constamment avec la matière inférieure et l'empêche de connaître l'éther ou la matière inférieure n'est qu'une dimension équivalente au rêve pour l'homme inconscient. Lorsque la matière sera telle un rêve et le rêve réalité, l'homme sera cosmique, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus retourner dans le monde de la mort et l'immortalité sera la qualité de sa conscience. Autrement dit, l'homme doit être renversé. Et ce renversement se crée par la décharge puissante de l'envoûtement de l'énergie contre l'envoûtement psychologique, dont la souffrance extrême et subtile n'est connue que de ceux qui sont appelés à être les dieux de demain. Mais le dieu de demain, à cause de la perfection de la matière, pourra agir sur elle et lui donner un visage nouveau, afin que la Terre devienne petit à petit un nouveau soleil, dont l'énergie sera produite par l'indifférencié à travers le différencié rendu conscient, c'est-à-dire puissant en intelligence, en volonté et en amour. La vie, c'est le pouvoir de ces trois principes réunis. Et l'homme de demain sera la vie sur la terre, et à cause de ceci, pourra modifier les formes de vie qui existent, car seule la vie peut modifier la vie. Mais la vie n'est pas encore parfaite sur la terre, car celle que nous connaissons est alimentée par le soleil matériel au lieu d'être alimentée par le soleil noir de l'éther. Pour que l'homme connaisse la vie alimentée par le soleil noir, il faut que son intelligence soit totale, c'est-à-dire que l'envoûtement psychologique ne soit plus imprimé dans sa conscience. Ceux qui connaîtront la vie dans le sens immatériel du terme, connaîtront les lois de l'énergie et ne pourront plus être assujettis à la domination millénaire de l'envoûtement, qui a donné naissance à une civilisation fondée sur le principe du pouvoir matériel. La nouvelle civilisation, dans son enfance, possédera les caractéristiques innées qu'elle reconnaîtra lorsque les forces créatives auront brisé les murs de la civilisation au cours des siècles à venir. L'envoûtement psychologique sera reconnu par ceux qui posséderont l'intelligence et la volonté de la nouvelle conscience. Et toute conscience nouvelle sur la terre brisera l'emprise de cet envoûtement sur l'homme. L'envoûtement psychologique protège l'homme contre l'éther, mais cette protection doit un jour être levée, car l'homme n'a plus l'expérience de la terre à connaître. Lorsque cette dernière aura complètement été couverte par la forme moderne de communication électronique. L'homme découvrira que l'âge de l'électronique fermera le cycle de l'évolution, car c'est par l'électronique que l'homme découvrira les limites de la conscience planétaire, et ces limites le forceront à entrer dans un âge nouveau, où de nouvelles formes de communication seront essentielles, afin que le cerveau humain puisse continuer à opérer sans souffrir de la compression des impressions créées sur lui par cette force grandissante et mécanique, l'électronique moderne. L'envoûtement psychologique est directement lié aux produits naturels de l'intellect humain, c'est-à-dire la culture, Il viendra le moment dans la vie individuelle où la culture perdra de sa valeur émotive, et à partir de ce moment, ce qui aura été élevé sur la surface de la Terre depuis des siècles ne sera que forme inerte et sans force psychologique. C'est alors que l'homme se retournera vers lui-même et fera éclater une nouvelle forme sur la Terre, qui sera le produit de sa conscience vibratoire et non plus psychologique. L'envoûtement psychologique a protégé l'ego contre les forces invisibles de la conscience supérieure, véhiculées par le double humain. Mais l'homme du Verseau ne sera plus protégé par l'envoûtement psychologique de sa culture, car il devra reconnaître qu'il est maître de la vie et maître dans la vie, pourvu qu'il comprenne la différence entre l'ego qui pense et l'ego qui crée. L'ego qui pense est enraciné dans l'envoûtement psychologique. L'ego qui crée se nourrit de l'énergie vibratoire du double, qu'il ressent au début comme un envoûtement d'énergie à cause de la grande puissance créative du double humain qui se forme dans le conflit des deux envoûtements. L'envoûtement psychologique de l'humanité contient toutes les données qui permettent à l'homme de se construire par destruction. Le jeu des civilisations est basé sur ce principe. Les nations sont nées de la mort des autres et aujourd'hui, le point culminant de l'activation de ce principe se retrouve dans le conflit contemporain entre le communisme international et le capitalisme mondial. L'homme est toujours assujetti aux forces de l'envoûtement psychologique que crée la conscience humaine, car il n'a pas encore compris qu'il peut vivre d'une intelligence qui n'est pas expérimentale ou qui ne naît pas du pouvoir de l'envoûtement sur lui. L'inquiétante position de l'homme aujourd'hui n'est pas dans cette technologie militaire, mais dans son incapacité de comprendre que la technologie militaire prend naissance, prend ses racines dans la façon à l'homme de penser. Et cette façon de penser trouve son point d'appui dans l'envoûtement psychologique qui impose son empreinte sur la conscience collective de l'homme. Pour que l'homme détruise le pouvoir de l'envoûtement, il lui faut à tout prix se libérer de la conscience collective afin d'imprimer sur son cerveau ses propres impressions, car tant que l'homme vivra d'impressions créées de l'extérieur à lui-même, il n'aura aucune idée possible de la réalité ou de la réalité de son être. Il aura soit l'impression du libre-arbitre ou l'impression spirituelle des êtres de la Terre. L'homme doit être conscient de l'impression qui prend origine en dehors de son intelligence réelle et indivisible. Le conflit entre l'envoûtement psychologique et l'envoûtement de l'énergie est un conflit de premier ordre. L'homme nouveau découvrira qu'il a vécu pendant des millénaires à l'intérieur d'un envoûtement qu'il ne sentait pas. Un envoûtement dont il n'était pas conscient. Un envoûtement qui faisait partie de lui, et de là son grand danger pour l'évolution. Pendant l'évolution prochaine de l'humanité, l'homme prendra conscience de l'envoûtement de l'énergie. Cette fois-ci, il ne pourra pas demeurer inconscient à cet envoûtement, car le pouvoir de l'énergie du double est tellement grand qu'il forcera l'ego à prendre conscience d'un autre état d'esprit. Et ce pouvoir du double, ce pouvoir d'envoûtement de l'énergie, créera dans l'homme la matière nécessaire pour qu'il puisse refouler tout ce qui est envoûtement psychologique chez lui. Et cette souffrance, ce travail, fera de lui un être différent, un être nouveau, un être qui sera obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose en lui qui n'est pas ordinaire. Quelque chose en lui qui n'est pas normal, dans le sens passé ou ancien du terme. Il reconnaîtra qu'il y a en lui une présence, et il verra que cette présence devient de plus en plus puissante au fur et à mesure qu'il évolue. Et du conflit entre l'envoûtement psychologique et sa destruction, et l'envoûtement de l'énergie, naîtra l'homme nouveau. Naîtra l'homme dont l'intelligence ne sera plus assujettie à une mémoire qui, par le passé, avait maintenu l'homme dans une condition, dans un statu quo, dans une linéarité historique qui ne pouvait pas le libérer de la matière, qui ne pouvait pas le libérer de la mort et qui ne pouvait pas non plus lui donner continuité de conscience. Il est évident que ceux qui connaîtront l'envoûtement de l'énergie passeront à la fusion, car il est impossible à l'homme de reconnaître en lui une partie supérieure à ses principes et ne pas vivre et ne pas être transformé, transmuté par cette énergie. Et ceux qui connaîtront cet envoûtement de l'énergie, bien qu'ils souffriront pendant quelques années, reconnaîtront éventuellement que la part donnée à l'homme nouveau est tellement plus grande et plus vaste que la part subie par l'homme ancien, que la souffrance qui naîtra de cette condition sera vue demain, après la transmutation, après la grande vision de l'homme, comme ayant été nécessaire et ayant été rempli d'une valeur qui ne peut pas être comparée avec la vie que l'homme connaissait pendant l'évolution, pendant le cycle de l'évolution.